Section 10 de « Le mari de Charlotte » par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Johan. Chapitre 10. Il se fit entre eux un long moment de silence qui devint de plus en plus pénible à mesure qu'il se prolongea. Charlotte marchait les yeux baissés sur le sable, et la vague qui venait frapper le rivage dans un mouvement régulier marquait pour elle le temps qui s'écoulait comme l'eussent fait les oscillations d'un pendule. Chaque coup lui était une secousse au cœur. Georges, près d'elle, l'observait de côté et sans paraître la regarder. Marchant ainsi, ils étaient arrivés à un petit promontoire et les quartiers de rochers éboulés dans la mer recouvraient le sable fin de la grève. Ils s'arrêtèrent devant cet obstacle et tournèrent sur eux-mêmes pour revenir en arrière. Ainsi se trouva interrompue leur préoccupation. De même qu'ils ne suivirent plus machinalement leur route droit devant eux, de même aussi ils ne suivirent plus leurs pensées. « Et alors, dit Georges, reprenant l'entretien, au point même où il s'était arrêté, quelle fut la conclusion de ce discours, car je pense qu'il eut une conclusion. Assurément, hélas. Eh bien, faites-la-moi connaître. Elle ne pourra jamais être plus blessante pour moi que ne l'a été l'opinion formulée sur mon compte par mon oncle. Cette conclusion nous frappe tous les deux. Mon oncle s'oppose à notre mariage. Voici les paroles mêmes de mon père. Georges sera député, peut-être sera-t-il ministre. Pour moi, il n'est plus l'homme que je veux donner pour mari à ma fille. Mon oncle vise donc bien haut maintenant qu'un député ne lui suffit pas. Vous savez que ce n'est pas l'ambition qui inspire ces sentiments, et que précisément même, c'est la peur et le dédain de l'ambition. Sans répondre, Georges haussa les épaules et de son pied frappa le sable avec colère. Charlotte continua. À ces paroles, mon père en ajouta encore d'autres. Il me dit que vous viendriez passer une partie des vacances avec nous et que je devrais profiter de ce moment pour vous étudier. Alors seulement, je devrais lui parler de vous et lui apprendre ce que j'aurais décidé. Ainsi, je suis ici à l'essai. Georges ! Si je me conforme à certaines idées que je ne connais pas précisément, je vous épouserai peut-être. Si je choque ces idées, je ne vous épouserai certainement pas. Est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible une histoire de ce genre ? Un gendre qui sert son beau-père pendant je ne sais combien d'années ? Je vous en prie, Georges ! Et que faut-il faire pour vous plaire ? Dites, parlez, puisque c'est de vous que dépend mon sort. Faut-il aller au-delà des mers ? Tuez un dragon fabuleux et vous rapportez sa dent. Vous raillez, Georges, quand je fais effort pour retenir mes larmes. Le contraste entre elle et lui était en effet frappant, tandis qu'elle se montrait accablée sous le coup qui les atteignait, pleine de désolation dans leur présente et d'angoisse dans l'avenir qui se préparait. Georges, de son côté, laissait paraître plus de colère que de douleur. En levant les yeux sur lui, elle démêla très bien le sentiment qui l'agitait. Alors, secouant doucement la tête, « Vous êtes un homme, vous ne vous laissez pas abattre, tandis que je ne sais que désespérer. » Aussi, dit-il sans se montrer touché par cet appel, les relations dans lesquelles nous devons vivre sont celles-ci. Je suis un sujet à étudier, et vous êtes un juge. Eh bien, étudiez-moi, je me livre à vous. Sur quel point voulez-vous m'interroger? Quand nous aurons passé en revue tout ce qui peut prêter à la critique, vous communiquerez votre verdict, mon oncle. Sur quoi dois-je vous répondre, tout d'abord, la morale, la théologie? Je vous déclare que je suis d'avis qu'on doit faire baptiser ses enfants. C'est correct. Charlotte le regardait avec une stupéfaction douloureuse et marchait près de lui sans trouver un mot à répondre à ce flot de paroles. Revenant sur leurs pas, ils étaient arrivés vis-à-vis la butte de coquilles devant laquelle ils avaient laissé M. de la Hérodière. Georges se tourna de son côté et le désignant du doigt à Charlotte, « Vous voyez, dit-il, mon oncle suit l'interrogatoire que vous me faites subir en ce moment. Quel malheur que nous ne jouions point la pantomime. Il pourrait nous comprendre. Moi, la main sur mon cœur et la jambe tendue, protestant de mon innocence, vous, secouant la tête d'un geste mutin pour dire que vous ne me croyez pas et que vous voulez des preuves. » En effet, M. de la Hérodière se tenait debout devant son amas de coquilles. Mais au lieu de piocher dans le tas, il regardait attentivement du côté de la grève. Debout, les deux mains posées sur le manche de sa pioche, les lunettes relevées sur le front, ses cheveux blancs flottant au vent, il se tenait immobile, absorbé dans son examen. Du rivage, On voyait sa grande taille serrée dans l'habit noir qu'il ne quittait jamais, été comme hiver, se profiler sur le bleu du ciel. « Je comprends, reprit Charlotte, que vous soyez blessée par les paroles que je viens de vous répéter, et plus encore que vous en soyez peinée. Mais vous n'êtes pas juste pour mon père, Georges, et vous l'êtes encore moins pour moi. Faut-il donc que je vous remercie, lui et vous ? Pour moi, je ne vous demande rien, mais pour mon père, je vous demande plus de justice. Ses idées, vous le savez bien, partent d'un sentiment que vous ne pouvez pas blâmer. Il veut que je sois heureuse. Il croit que vous ne pouvez pas l'être avec moi. C'est de ce jugement que je dois être touchée. C'est contre ce jugement que vous devez vous défendre. Il me semble que cela n'est pas indigne de vous. Mon père obéit à ses idées qui, j'en suis certaine, partent d'un malentendu. Pourquoi ne vous appliquez-vous pas à lui démontrer son erreur ? Vous avez un mois devant vous, et l'on peut bien des choses en un mois. Si vous saviez comme j'ai attendu ce moment avec impatience, je me disais que vous sauriez ramener mon père à d'autres sentiments, et je ne me doutais guère que ce serait à moi de vous indiquer quels moyens il faudrait employer. Vous aussi doutez-vous de moi maintenant ? Je vous adjure de ne pas vous laisser aller à un premier mouvement de colère. Croyez bien que mon père ne sera pas inflexible. S'il avait dû l'être, il n'eût point agi comme il l'a fait, et il ne m'eût point accordé jusqu'à cette époque. Il m'eût signifié qu'il ne consentirait jamais à notre mariage, et vous savez bien que ce n'est pas ce qu'il a dit. Que pouvait-il dire de plus en m'accusant de n'être pas digne de devenir votre mari ? Il pouvait déclarer que notre mariage ne se ferait jamais, et si telle avait été sa déclaration, je ne vous aurais pas répété tout ce que je viens de vous dire. Vous auriez obéi ? Vous savez bien que je ne me marierai jamais sans avoir l'approbation de mon père, et c'est parce que j'ai l'espérance d'obtenir cette approbation que je vous demande d'intervenir et de m'aider. Et que puis-je ? M'est-il possible à mon âge de penser et de sentir comme mon oncle au sien ? Si nous différons d'opinions et de croyances, ce n'est pas vous, Charlotte, qui me donnerez le conseil d'afficher des principes qui ne sont pas les miens. Bien certainement aussi, vous ne me direz pas de mettre mon drapeau dans ma poche. Elle ne répliqua pas. Et pendant quelques secondes, elle n'entendit plus les paroles de Georges. Celles qui lui montaient du cœur, c'étaient celles qu'elle avait entendues autrefois, au temps où il lui disait qu'il donnerait sa vie pour être aimé d'elle. Elle s'arrêta et, lui prenant vivement la main, elle le força à se tourner vers elle. Alors, le regardant en face, les yeux dans les yeux, les lèvres frémissantes, pâles d'émotion, « Georges, vous ne m'aimez plus !» Je ne suis pas une petite fille qu'il faut ménager. Pas de pitié, la vérité. Si vous ne m'aimez plus, la vérité. » Ils restèrent longtemps, les yeux dans les yeux, se regardant jusqu'au fond de l'âme. Mais peu à peu, les lèvres de Charlotte se décolorèrent, et elle pâlit au point qu'on pouvait croire qu'elle allait défaillir. Georges leva la main. Elle crut qu'il voulait parler, et que c'était son arrêt qui allait tomber de ses lèvres, qu'elle examinait avec une si poignante angoisse. « Mon Dieu ! Murmura-t-elle. Vous voyez, pauvre enfant, dit-il avec un sourire, que vous n'êtes pas la jeune fille résolue que vous croyez être. Ne soyez pas ainsi troublée, je parlerai à mon oncle, et tout ce que je pourrai faire, je le ferai. Ah, Georges, était-il donc nécessaire pour vous d'entendre ces mots, et n'auriez-vous pas dû les trouver dans votre cœur ? Ce que je demande, ce n'est pas pour satisfaire mon père, de renoncer à vos croyances ou à vos espérances. « Cela, je ne le voudrais pas, mais je suis certaine que les idées de mon père sur vous sont fausses. Prouvez-lui qu'il se trompe, cela vous sera bien facile. » Il secoua la tête. « Mon père vous aime, et je vous assure, Georges, que le cœur s'ouvre facilement aux paroles de ceux qu'on aime. »« Vous ne connaissez pas votre père, Charlotte. »« Je vous assure qu'il a pour vous une affection très vive. »« Ce qui n'empêche pas qu'il ne veut plus de moi pour son gendre. » »« Parce que... » C'est moi qui vais vous expliquer pourquoi. Sous les apparences d'une douceur de caractère qui semble souvent aller jusqu'à la faiblesse, mon oncle cache une volonté solide et qui sur certains points est inébranlable. Dans les choses de la vie, surtout ce qui touche aux actes matériels de l'existence, cette faiblesse de mon oncle est extrême. Il veut aller se promener à droite, vous le forcez à vous suivre à gauche. Il obéit docilement. De cela, vous avez eu depuis 10 ans 1000 exemples qu'il est inutile de rappeler. Mais dans le domaine des idées, pour tout ce qui touche à certains principes, il a la dureté et l'inflexibilité de la pierre. S'il est fâché avec M. Falco, qui pendant 20 années a été son ami intime, le compagnon de ses travaux, c'est parce que celui-ci a refusé d'admettre que les hommes descendaient des singes. Vous étiez trop jeune au moment où ces discussions ont eu lieu pour avoir pu en garder le souvenir. Elles ont été terribles. J'ai assisté à la dernière, et j'ai compris alors quel homme était mon oncle. Celui qui ne reconnaît pas la pluralité des races humaines, associée à l'idée du développement progressif des êtres, ne peut pas être mon ami, me dit-il, en refermant la porte sur le dos de M. Falco, qui venait de sortir exaspéré. Et depuis, malgré les tentatives faites par des tiers, mon oncle n'a jamais voulu revoir son ancien ami. Comment voulez-vous que je puisse le toucher et le convaincre, alors que les griefs qu'il a contre moi doivent être autrement sérieux ? Il n'y a pas entre vous de dissentiment sur une question scientifique ? Non, mais nous sommes séparés par une question morale, et ce n'est pas moins grave. Car bien que depuis longtemps nous ne nous soyons pas expliqués franchement à ce sujet, mon oncle m'a fait assez d'observations pour que je comprenne ce qui le blesse en moi. Votre ambition, Georges ? Mon ambition ? C'est lui qui parle ainsi. Je ne me fâche pas du mot de mon oncle, mais de son sentiment. Quel eût été mon rôle, en ce monde, si j'avais écouté ses conseils ? Petit avocat en province, la belle affaire. J'ai voulu autre chose, et seul, sans autre force que ma volonté et mon travail, j'ai obtenu cette chose. J'ai voulu être, j'ai été, je veux être, je serai. Mais alors ? Je dis que je veux être votre mari, chère petite cousine, et j'espère que je le serai. C'est une lutte à entreprendre contre mon oncle. Aussitôt que les circonstances me seront favorables, je l'entreprendrai. Demain, dans quelques jours. Fin de la section 10.